matin à courir, vite déjeuner et partir. Alors que d'autres gens dorment mais ne sont pas prêts d'arrêter leur somme. Il se dit qu'il en a ras-le-bol de ses travaux sur les bagnoles. Il aimerait bien arrêter mais préfère pouvoir bouffler. Il voit alors sa femme couchée, qui n'est pas prête de se réveiller. C'est là qu'il se dit, quand il compare leur vie, que les femmes sont plus ménagées que ceux du sexe opposé. Et partir, il prend bien le temps de cocher les jours sur son calendrier. Il attend avec impatience les dimanches ou les vacances où il aimerait pouvoir profiter de sa vie de jeune marié. Dès le matin à courir, vite déjeuner et partir. Il ne fera pas de biozo s'il continue ce boulot.